es, lo siento. Hoy no sientes que vicios tengo más que los cientos. A notre santé, salud para el presente. On sait pas présente, conspiración representa. Inocente, nadie lo es, lo siento. Hoy no sientes que vicios tengo más que los cientos. A notre santé, salud para el presente. On sait pas présente, conspiración representa. Séntate, un son qui résonne d'ici à Santa Fe. Pendant que certains dans l'ombre s'enrichissent sans taffer. T'as le sourire même sans taper. Et l'effet que mon son t'a fait. Que se lèvent ceux qui sont assis vers du bruit, on va s'entasser. Texte sans drame, pas de vie sans drame. Force des pièces à s'entasser, prévois 800 grammes. Pour dire combien je kiffe, j'ai pas assez de rimes. Sourire en quoi, on me dit que j'ai le syndrome. Sors ta taille, bouffe frérot. Faudra au moins syndrome. La familia para mi nana más cuenta. Aguanta y conmigo canta. Hasta la victoria siempre. Para la malvie, coupable ou non, ça me plaît. Révolution permanente. Un son patate pour méga caliente. Innocente. Personne l'est, on a tous des fils. Car Pritium comme devise. Alors à notre santé. Ouais, ouais. Je veux voir les yeux briller en el mundo entero. Arriba, abajo, al centro y todo dentro. Inocente, nadie lo es, lo siento. Y no sientes que vicios tengo más que los cientos. A notre santé, salud para el presente. On sait pas présente, conspiración representa. Inocente, nadie lo es, lo siento. Y no sientes que vicios tengo más que los cientos. A notre santé, salud para el presente. On sait pas présente, conspiración representa. I spend my time writing, writing, and I strive to keep on climbing the ladder of success with finesse. I express my mind to impress and impress if I'm finding one that's interesting me and trusting in a lust for street poetry and or euphoric wizardry. Most definitely a light that blinds with inner beauty. It's in the eyes where it was once again, a friend of the best kind, trying to find your dream in mind. I'm racing my heart along my lifeline, and my hand I'll hold this valentine to let lips lift and kiss until the end of time. I wanna walk in the park, swing on swings and watch the sunset on the beach, and secrets keep and teach me not to forget. This life is love and smiles and eyes that go for miles of wonder. I wander in and out of lives and break spells that under. Peace to the conspiracy, Trini time. Senior B and A-Rack represent the greenhouse family tree. Inocente, nadie lo es, lo siento. Y no sientes que vicios tengo más que los cientos. A notre santé, salud para el presente. On sait pas présente, conspiración representa. Inocente, nadie lo es, lo siento. Y no sientes que vicios tengo más que los cientos. A notre santé, salud para el presente. On sait pas présente, conspiración representa. Plutôt que m'y balancer, je veux danser sur la corde. La vie c'est comme un joint d'afghan, ça donne du fil à retordre. La chute est hardcore, s'agit de se relever aussitôt. Alcool fort dans ma gorge, c'est pour ne pas tourner psycho. Du sang j'ai versé, traversé les champs lexicaux. Enflammé l'assemblée, j'ai samplé tout Mexico. Et Chico, Pokécro, serre le run cacique. Lève ton putain de briquet, fais briller tes chicots. Mets le shit dans le massico. Et ouais, ce soir c'est partage. Son patate, casse qu'il faut. T'inquiète, ce soir c'est ta page. Nombre dérapages, souvent impliqué dans le saccage. Conspi plein coupable de te faire danser dans ta cage. Craquage. Parmi les miens loin d'innocence. Ici y'a que des suspects. Et de quoi exciter nos sens. Comme Blanco dans les mauvais coups. Ton cerveau serpent. Inocente, non non. Qui t'a rempêcherait serpent. Inocente, nadie lo es, lo siento. Inocente, es que vicios tengo más que los cientos. A notre santé, salud para el presente. On sait pas présente, conspiración representa. Inocente, nadie lo es, lo siento. Inocente, es que vicios tengo más que los cientos. A notre santé, salud para el presente. On sait pas présente, conspiración representa. Conspiration, featuring Arek, Arizona, Greenhouse, Music.